Ton beau sourire, un soir de juin, m'a fait sortir. J'ai cru mourir, c'est pas malin, et même pire. Regarde-moi, petit, tu me fais vibrer, petit. Ne grandis pas, petit. Reste avec moi, petit. Même ta fleur n'enlevait rien de mes frayeurs. Tes yeux rieurs ont vite, c'est bien, stoppé mes pleurs. Ne parle pas, petit, c'est bien comme ça, la vie. Allez, souris, petit, c'est comme ça que je t'envie. Les souvenirs de tes petites mains vont m'enrichir. Te voir partir un peu trop loin pourrait me détruire. Ne t'inquiète pas, petit. Je sais, je te manque, petit. Mais tu reviens vendredi. Le juge nous l'a promis. Qu'il faut-il que je prie pour que tu restes petit? Mais qu'il faut-il que je prie pour que tu restes petit?